franceinter.fr. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, le début de l'odyssée de la crise en Grèce, la crise de la dette. Voilà bientôt 6 ans que cette information tourne en boucle. 6 années pendant lesquelles, de sommet en sommet, d'élection en élection, nous avons appris à devenir les compagnons des Grecs, emportés par la crise. Nous connaissons désormais leurs dirigeants, leurs ministres, les peines et les maux de leurs citoyens. En juillet dernier, nous avons appris à dire « vai » pour « oui » et « oxy » pour « non » à l'occasion d'un référendum qui a ouvert la porte à un été européen grec, ponctué de démissions, de négociations et d'un vote, d'un nouveau plan d'austérité. Encore une fois, les politiques et intellectuels se sont penchés sur le malade grec. Ils se sont affrontés sur son cas à l'occasion de nombreux débats. Sujet sensible par excellence, la Grèce est devenue un laboratoire d'idées, de l'austérité coûte que coûte d'un État mis sous tutelle des créanciers et sous la pression des humeurs des marchés, mais aussi des idées en devenir, allant d'une restructuration de la dette, d'une révolution des textes européens, jusqu'à une sortie de l'euro. Mais les événements s'emballent et les remèdes d'un jour, empiriques, sont balayés le lendemain. C'est pourquoi nous allons essayer de revenir au début de cette histoire, comprendre comment on en est arrivé à un troisième plan d'aide internationale, l'aide n'étant jamais gratuite, évidemment, elle est même, dans le cas de la Grèce, hors de prix. Pour en parler, nous recevrons en seconde partie l'économiste Lim Wamnok, maître de conférence à l'Université Paris 1. Il était entre juin 2009 et juillet 2014 sur les bancs du Parlement européen en tant que député PS, parti qu'il a quitté depuis. Il est l'auteur également d'un ouvrage passionnant intitulé « Le mystère de la Troïka » édité chez Le Croquant. Nous écouterons également le reportage d'Anaël Verzo qui est allé à la fête annuelle de Frangy en Saône-et-Loire où Arnaud Montebourg recevait l'ancien ministre des Finances grec Yanis Varoufakis. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparé par Jean Bulot, avec l'appui des documentalistes de Radio France, coordination Christophe Barrère, attaché de production Valérie Bourg, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui, Gilles Guillard. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Toute odyssée commence par une fête, un départ vers de nouveaux horizons. En Grèce, et pour 11 autres pays, cette fête se déroule le 1er janvier 2002. De la porte de Brandebourg à l'acropole d'Athènes, du port de Lisbonne à celui d'Amsterdam, sous les feux d'artifice, 304 millions d'Européens célèbrent l'arrivée de leur monnaie commune, l'euro. L'union politique entre la Grèce et les autres pays européens débute au lendemain de la chute de la dictature des colonels en 1974. 7 ans plus tard, en 1981, grâce au soutien du président Valéry Giscard d'Estaing, notamment, la Grèce accède à la communauté économique européenne. En 1992, elle signe le traité de Maastricht, acte de création de l'Union européenne et première étape vers une monnaie commune. Avec ce traité, les États s'engagent pour un pacte de stabilité et de croissance qui impose au moins une règle très stricte, en théorie, un déficit public qui ne doit pas dépasser les 3% du PIB. En 2001, malgré une ardoise équivalente à 104% du PIB, la Grèce entre dans la famille de la zone euro et le plus naturellement du monde, elle participe à la fête de la monnaie du 1er janvier 2002. La dette, parlons-en, tant son rôle est central dans notre histoire. D'abord, elle existe depuis la nuit des temps, elle est un carburant de nos économies, un outil de la politique économique. À échéance variable, l'État emprunte pour rembourser ses créances, on appelle ça « faire rouler sa dette ». Pour les nations membres, puissantes ou émergentes, l'euro est une source de richesse commune. L'un des avantages de la zone euro est de permettre de lever l'emprunt à un taux presque équivalent pour chacun des États membres. La puissance économique de pays comme l'Allemagne ou la France permet de faire diminuer les taux d'emprunt des pays les plus faibles de la zone euro, une sorte de système de vase communicant. Tout au long des premières années de la monnaie unique, l'écart de taux, le spread, entre l'Allemagne et la Grèce, par exemple, est stable. Et comme l'ensemble des pays, la Grèce fait donc rouler sa dette qui se stabilise grâce à ses taux d'emprunt qui ont diminué, tel est le mécanisme. Mais en 2008, le capitalisme entre dans une nouvelle crise sismique. De la crise des subprimes à la chute de la banque Lehman Brothers, le secteur de la finance fissure. Et après plusieurs semaines de panique, les États annoncent le sauvetage des banques. Un sauvetage qui a un prix, bien sûr, l'augmentation importante des dettes publiques de chaque pays. En 2009, lors des sommets successifs des G20, les chefs d'État nous promettent la fin de la tempête. Pourtant, elle ne fait que commencer. Notre histoire débute par une victoire, celle de Georges Papandréou. Le 4 octobre 2009, son parti, le PASOK socialiste, remporte les élections. À la tribune, il prononce des paroles qui annoncent un horizon paisible. Nous devons être unis face à la grande responsabilité que nous devons assumer, que je dois assumer. Une responsabilité pour changer le pays, pour un pays juste, uni, un pays soucieux de l'humanité, du développement et du progrès. Avec 40% des voix et une majorité au Parlement, ses partisans espèrent qu'il mettra en place son programme basé sur une politique de relance, une diminution des inégalités et la promesse de nouveaux emplois. La fête pourtant est de courte durée, car dès la formation de ce gouvernement, la nouvelle équipe dirigeante s'aperçoit que quelque chose cloche dans les comptes de l'État. Depuis des années, les chiffres de la dépense publique et du déficit sont faux. Annoncée quelques semaines plus tôt à hauteur de 6%, la dette représente en réalité le double, soit plus de 13% du PIB du pays. Le gouvernement décide alors de prévenir ses partenaires de la zone euro et promet des réformes importantes pour rééquilibrer les comptes au plus vite. La surprise est de taille, mais l'Union européenne décide de surveiller la situation de loin. Le pays doit s'en sortir seul. Oui, sauf que dès le mois de décembre, les marchés se méfient du programme grec. L'une après l'autre, les agences de notation attaquent le pays. C'est l'agence Fitch qui dégrade la première note de la dette grecque le 8 décembre. Le 16, Standard & Poor's lui emboîte le pas, suivi le 22 par l'agence Moody's. Alors les taux d'emprunt du pays explosent, la dette grecque ne roule plus, le pays risque de faire défaut. Pour éviter la faillite, Georges Papandréou fait la tournée des capitales afin d'obtenir du soutien de ses partenaires et rassurer les marchés. Jour après jour, on suit sa moustache fournie et sa silhouette longiligne dans nos journaux. Le 10 février, c'est en France qu'il fait escale. Il expose son plan d'austérité voté en janvier qui a pour objectif un retour à la normale sur les 3 ans. On l'écoute sur le perron de l'Élysée après une rencontre avec Nicolas Sarkozy. Je répète que nous ferons tout pour atteindre notre objectif, réduire notre déficit de 4% du PIB en 2010 pour revenir à 8,7%. Malgré ses bonnes intentions, l'Europe est désarçonnée face au mouton noir grec. Alors que faire ? Lui tendre la main ou le laisser tomber et se faire tondre ? La situation est complexe. La faillite d'un pays au sein de la zone euro n'a jamais été envisagée. De plus, les outils à la disposition de l'eurogroupe sont limités par les accords. Tiens, par exemple, il est interdit à un pays de la zone euro de venir en aide à un pays partenaire. La Banque Centrale Européenne, la BCE, se refuse également de faire marcher la planche à billets pour jouer sur l'inflation et ainsi diminuer la dette de chaque pays de l'euro de façon mécanique. Enfin, il n'y a pas de gouvernement économique européen. Toute décision est un compromis entre les positions de chaque pays. Et naturellement, dans ce contexte, les solutions tardent. Le 11 février 2010 s'ouvre le premier sommet européen sur la Grèce. L'Union européenne va-t-elle lui venir en aide ? Après plusieurs heures de négociations, la réponse est, disons, vague, comme la déclaration du président français d'ailleurs. La Grèce n'est pas seule et la Grèce est décidée à faire les efforts qu'on lui demande. C'est la réponse de l'Union européenne. C'est une réponse extrêmement forte. Là, il y a un principe. Quant aux modalités, nous nous réservons de voir les évolutions pour les calibrer. Disons qu'il y a une stratégie, c'est celle que nous avons fixée, et qu'il y a une tactique en fonction des événements. La stratégie est claire. Et c'est cette stratégie que les marchés, les opérateurs et les différents intervenants doivent comprendre. Oui, sauf que la stratégie, la technique, c'est avant tout de ne pas trop en dire. Au sein de l'Union, les positions sont divergentes. Tiens, prenons le cas d'Angela Merkel et de son ministre des Finances, Wolfgang Schäuble, qui sont encore actuellement en poste. Depuis son arrivée au pouvoir en 2005, la chancelière se présente comme la gardienne de la stabilité des traités de la zone euro. Elle conteste tout entorse à la règle. Au début de la crise, elle refuse même l'idée d'aider la Grèce, responsable à ses yeux de sa dette. Pourtant, pour éviter la défiance des marchés envers d'autres pays fragiles de la zone euro, elle accepte de participer à un plan d'aide à la Grèce, mais sous certaines conditions. À la sortie du sommet, pour les observateurs, le sauvetage est une position de principe, mais pas une réalité. et la chancelière Lorden Kittus. C'est le cas notamment le 5 mars, lors d'une visite de Georges Papandréou à Berlin, où elle annonce qu'elle est optimiste et qu'il est probable que la Grèce ne demande finalement aucune aide financière. Ces positions hésitantes révèlent en réalité un contexte particulier. L'Allemagne est en pleine période électorale. Et Angela Merkel refuse de laisser croire à ses électeurs qu'ils paieront les errements grecs. En résumé, tendre la main, oui, mais aussi le bâton, comme lors de ce discours le 17 mars 2010 devant les députés allemands. Deshalb steht der Euro vor seiner stärksten Herausforderung. L'euro se trouve donc devant le plus important défi qu'il ait eu à relever. Il n'y a aucune alternative au plan d'austérité grec dans l'attente d'efforts futurs. Je salue le grand courage du gouvernement grec qui a décidé d'économiser 4% de son PIB. In einem gemeinsamen Währungsraum, und das gilt für alle Mitgliedstaaten, aber für die im Euro versammelten besonders, deshalb kann kein Land dans la zone monétaire donnée, en particulier la zone euro, on ne peut laisser aucun pays au bord de la route. Nous avons répété que nous étions tous unis pour la stabilité de l'euro. Il faut donc réagir et préserver la base de notre union. Aber der Euro ist der Europa ist nicht nur eine Friedensgemeinschaft, es ist auch eine Stabilitätsgemeinschaft. Mais l'Europe n'est pas qu'une union visant la paix, mais aussi la stabilité. Nous ne pouvons pas faire comme si rien n'était. Le remède à la crise doit venir de la Grèce elle-même. Toutes les décisions prises doivent être justifiées pour éviter toute aide précipitée. Il faut qu'absolument tout rentre dans l'ordre. C'est la seule solution. Et elle conclut par ces mots, nous devons pouvoir exclure un pays de la zone euro si encore et encore ce pays s'obstine à ne pas remplir les critères. Martial. D'ailleurs, cette annonce fait l'effet d'une bombe. Le président de la BCE, puis les autres chefs de gouvernement, relativisent immédiatement ses propos et tentent de désamorcer cette annonce. Mais le mal est fait. Ces hésitations, ces déclarations contradictoires ne rassurent pas les marchés. Et une nouvelle fois, les bourses s'emballent, l'euro baisse. Le taux d'emprunt grec à 10 ans dépasse les 8%, la ligne rouge est franchie. La Grèce va-t-elle faire défaut ? Face à cette situation, durant les semaines d'avril, les pays de la zone euro se mettent d'accord sur un plan préventif. Malgré les réticences du président de la BCE et de Nicolas Sarkozy, le Fonds monétaire international entre dans la danse. Car sans l'apport du FMI, Angela Merkel refusait de participer au sauvetage. Ce plan se structure autour de la mise en place pour 2/3 de prêts bilatéraux par les membres de la zone euro et 1/3 de fonds du FMI. Le 23 avril 2010, après une nouvelle chute de la bourse à Athènes et une nouvelle dégradation de sa note par l'agence Moody's, Georges Papandréou demande officiellement l'activation de ce plan. C'est une nécessité nationale et urgente de demander officiellement à nos partenaires européens l'activation du mécanisme européen que nous avons créé ensemble. Ce plan va nous permettre de reconstruire notre vaisseau avec des matériaux durables et sûrs. Mais aussi, envoyer un message cohérent au marché et montrer que l'Union européenne prend l'affaire au sérieux en protégeant nos intérêts communs et surtout notre monnaie d'échange, l'euro. Nous ne sommes qu'au début d'un long passage difficile. Une nouvelle ère pour l'hellénisme. Mais heureusement pour nous, nous connaissons le chemin. Nous connaissons le chemin qui nous mènera à Ithaque. Avec un ciel bleu et le petit port de l'île de Castelorizo comme décor, Georges Papandréou parle d'une nouvelle odyssée pour son peuple, mais il assure que les partenaires européens feront le nécessaire pour offrir un port où ils pourront remettre leurs navires à flot. Cette image fait la une de la presse internationale. Une image et des mots d'une capitulation de la Grèce, mais aussi de l'Europe. Dès cette annonce, c'est à Washington, avec les représentants de la Banque Centrale Européenne et de la Commission Européenne, que le ministre des Finances grec se rend pour négocier les termes du plan d'aide et les mesures que devra prendre son pays en échange. Le 2 mai, un accord est trouvé. L'aide représente la somme de 110 milliards d'euros sur 3 ans, prise en charge à 2/3 par les États membres de la zone euro et 1/3 par le FMI. L'accord prévoit de ramener le déficit de la Grèce au-dessous des 3% dès l'année 2014. L'aide sera débloquée par paliers après le vote du projet de loi grec de réforme et des avancées de celle-ci. Ce nouveau plan d'austérité est voté dès juin. Réforme des retraites, gel des salaires dans la fonction publique, augmentation de la TVA, libéralisation des marchés des transports, de l'énergie, pour 30 milliards d'économies sur 3 ans. Mais rien n'y fait, les marchés spéculent toujours sur la chute de la Grèce, ainsi que sur la fragilité d'autres pays de la zone euro. L'Espagne, l'Italie sont dans le viseur. Si elle tombe, c'est l'euro tout entier qui est menacé. Après un nouveau sommet a lieu, et le 10 mai 2010, après 2 jours de négociations, l'Union européenne sort enfin le carnet de chèques et annonce des mesures choc. Un fonds européen de stabilisation financière est créé pour contracter des emprunts en faveur d'un pays rencontrant des difficultés. L'euro évite ainsi le krach. Pendant ce temps, en Grèce, la vie sociale et politique du pays se détériore jour après jour. Derrière les annonces d'austérité, ce sont des vies qu'on bouleverse et parfois qu'on brise. Alors, quotidiennement, la rue gronde, s'embrase et explose. Le 5 mai 2010, la ville enterre ses premiers morts du krach social. Là-bas, comme ici, on se pose la même question. Ce plan d'aide suffira-t-il? Quand la Grèce pourra-t-elle supporter sa dette et reprendre les rênes de son destin national? Le directeur du FMI, Dominique Strauss-Kahn, est confiant. Pour lui, désormais, le médecin est là. Le FMI ne va jamais dans un pays quand le pays ne l'appelle pas. On n'est pas une sorte de police qui rentre chez vous d'office en disant « mettez-vous en rang ». C'est parce que le gouvernement grec, gouvernement démocratiquement élu, nous demande de venir qu'on vient. Sinon, on vient pas. Si on nous veut pas, on vient pas. Pourquoi on nous demande de venir? Parce que l'économie est malade. Hein, l'image du FMI, elle n'est pas suffisamment bonne pour qu'on veuille l'inviter à dîner chez vous si vous n'en avez pas besoin. L'économie est malade et donc on vient comme un docteur. C'est-à-dire qu'on vient et on vous dit « vous êtes malade, il faut vous soigner ». Ouais, mais en fait, si on vous donne une purge, c'est pas terrible, quoi. Vous dire des choses. Vous avez, hein. Ouais. Si vous avez une cirrhose du foie, on vous donne des médicaments et on vous dit qu'il faut arrêter de boire. Nous, les médicaments, c'est quoi? C'est l'argent. On vous donne de l'argent pour vous aider à survivre. Mais en même temps, il faut arrêter de boire. Si vous avez du cholestérol, on vous dit on vous donne des médicaments, mais il faut arrêter de manger de la graisse. Le rôle du FMI, c'est pas d'être sympa. Le rôle du FMI, c'est de vous soigner. Alors, vaut mieux aimer son médecin que ne pas l'aimer. Mais à la limite, je préfère qu'on n'aime pas le médecin et qu'il vous sauve la vie plutôt que vous le trouviez sympa et qu'il vous laisse crever. Pourtant, parmi les observateurs et chez les économistes, des voix s'élèvent déjà contre ces mesures. C'est le cas de Frédéric Lordon sur le plateau d'Arrêt sur image en mai 2010. Pour lui, l'orage commence à peine dans le ciel grec. Le plan grec, me semble-t-il, est voué à l'échec. Alors, il y a le terme qui me vient spontanément à l'esprit est un terme anglais, c'est self-defeating. Il est fait pour se mettre lui-même en échec. Vous voyez, il est auto-invalidant. Et pour quelle raison? C'est qu'il impose à l'économie grecque une telle restriction budgétaire qu'il ne peut s'en suivre autre chose qu'un ralentissement de croissance encore plus profond que celui qui est déjà à l'œuvre, de telle sorte que l'ajustement budgétaire aura toujours un temps de retard sur l'effondrement des recettes fiscales. Donc moi, mon anticipation, c'est que dans le pire des cas, le déficit budgétaire grec ne se réduira pas. Dans le meilleur, il se réduira à un rythme si lent que l'économie grecque est partie pour une décennie d'austérité et de chômage de masse. Alors, le remède va-t-il tuer le malade ? Ce premier plan d'aide et les mesures d'austérité sont-ils la bonne solution? Move. an après le début de l'Odyssée, toujours aucun port à l'horizon, pour reprendre la métaphore marine de Monsieur Papandréou. En novembre 2010, la situation de la dette publique du pays ne s'est pas améliorée. Le déficit de la Grèce a encore bondi de 3 points pour atteindre 15,4% du PIB du pays. Le chômage augmente et la récession est en marche. Pourtant, on pronostique toujours le même remède aux malades, l'austérité. Remède qui devient la mode dans toute l'Europe. Attaqués aussi par les marchés, l'Espagne, le Portugal et l'Italie annoncent à leur tour des plans d'économie drastiques pour diminuer le poids de leurs dettes. Gel des dépenses publiques, révision fiscale et promesses de réformes structurelles. À Madrid, comme à Athènes, des indignés érigent des tentes, débattent, manifestent, espèrent reprendre la main, mais c'est ailleurs que l'avenir se dessine. Au début de l'année 2011, pour la troisième fois, la Troïka est à Athènes. Elle représente les créanciers de la Grèce, c'est-à-dire la Banque Centrale Européenne, la Commission Européenne et le Fonds Monétaire International qui ont financé le plan d'aide de mai 2010. Cette Troïka est constituée d'un groupe informel d'experts et de fonctionnaires qui soufflent à l'oreille des gouvernements la marche à suivre. Et pour elle, le verdict est sans appel, la Grèce ne pourra pas atteindre son objectif d'un retour sur les marchés d'emprunt en 2012. Alors, pour éviter la faillite et recevoir la nouvelle tranche d'aide, Athènes doit vendre son bien à la découpe, en quelque sorte. 50 milliards de privatisations sont requis. Quelques semaines plus tard, après un remaniement, Georges Papandréou annonce un nouveau plan d'austérité au Parlement. Gaz, électricité, postes, ports, aéroports, plages, tout est à vendre pour éviter la faillite. Le 28 juin, et pour la quatrième fois, une grève générale bloque le pays. Les rues sont noires de monde, la colère est à son paroxysme. Après une année de crise, l'austérité devient une réalité sociale. En plus de la chute des salaires, de l'augmentation des prix, de l'exil des diplômés, ce sont les services publics qui s'amenuisent peu à peu. C'est le cas dans le secteur de la santé. Entre 2007 et 2011, son budget diminue de 23,7%. On constate une augmentation des cas d'infection du sida de 57%. Le suicide, lui, devient une porte de sortie. Tous les jours, deux Grecs mettent fin à leur vie. En direct sur France Inter, ce 28 juin 2011, on entend les pleurs et les mots de ces victimes de la crise. Vous savez, je me sens si coupable. J'ai voté 30 ans pour les socialistes et aujourd'hui, deux de mes enfants sont au chômage. Et pourtant, ils sont bardés de diplômes. Moi, je devais toucher mon bonus de retraite. C'est terminé, tout ça. Avec les mesures d'austérité, je vais passer de 1300 euros à 800 euros. Et je dois supporter mes enfants qui attendent de l'aide parce qu'ils n'ont pas d'emploi. Je me sens très triste de voir ce peuple que j'aime énormément humilié. Tous les gens autour de moi sont tristes, ils ne rient plus, ils ne parlent que de difficultés financières et rien d'autre. D'Athènes à Bruxelles, ces semaines-là, le malheur des uns fait aussi celui des autres. Le 5 juillet, le jour où Christine Lagarde devient la nouvelle directrice du FMI, l'agence Moody's abaisse de 4 crans la note souveraine du Portugal. L'Espagne et l'Italie sont aussi dans le viseur. Alors les bourses européennes reculent, l'euro chute, la pagaille s'invite de nouveau dans la zone euro et encore une fois, l'Union européenne hésite sur la marche à suivre. Dans la presse, on lit les positions de chaque pays. Le point d'achoppement concerne la participation des créanciers privés dans le sauvetage de la Grèce, les banques en l'occurrence. La tempête n'en finit pas. Le 14 juillet, Fitch dégrade de 3 crans la note de la Grèce. 7 jours plus tard, enfin, les dirigeants européens ébauchent un nouveau plan d'aide. Ils acceptent le rallongement de la durée des prêts, la diminution des taux d'intérêt et la mise en place d'une nouvelle aide de 109 milliards afin de donner de l'air aux Grecs et à la zone euro d'ailleurs par la même occasion. Mais est-ce suffisant? Est-ce la bonne solution? Pour le ministre français François Baroin, l'Europe est passée au bord du précipice, mais elle est sauvée. C'était un sommet exceptionnel, sur une situation d'une gravité exceptionnelle, avec un rendez-vous, je pense, exceptionnel au regard de l'histoire de la construction européenne pour tous les chefs d'État. Et les réponses apportées sont exceptionnelles, sont des réponses profondes, puissantes, durables, qui donnent des garanties à la Grèce d'accompagner dans la durée sa remise à un niveau acceptable sur le plan de la dette, sur le plan de la croissance, sur le plan de la qualité de vie pour les Grecs, qui apporte une réponse profonde et puissante pour éviter tout risque de contagion. Sauf qu'encore une fois, l'histoire est loin d'être terminée. Comme convenu en septembre, le gouvernement de Georges Papandréou annonce un nouveau tour de vis pour satisfaire les demandes de la Troïka et obtenir la nouvelle tranche d'aide. 30 000 fonctionnaires sont mis en réserve. Une partie des retraités perdent 20% de leurs revenus. De nouvelles privatisations sont annoncées. C'est le cinquième plan d'austérité. Le déficit baisse, certes, mais pas assez vite pour les investisseurs. Espéré à 7,4%, la dette représente toujours 8,5% du PIB. Et comme à chaque fois, les bourses chutent. Les chefs de gouvernement se téléphonent, se rencontrent, négocient sur la base de l'ébauche du plan du mois de juillet. Et après de nouvelles semaines de tergiversations, un nouveau sommet de la dernière chance s'ouvre à Bruxelles le 26 octobre 2011. Encore une fois, les décisions sont dites historiques. La dette est en partie restructurée. Bon gré, mal gré, le secteur privé accepte une décote de 50% des titres grecs. Le secteur privé met la main à la poche. De plus, les États annoncent l'octroi d'une nouvelle enveloppe à la Grèce. Ce fonds, doté lors de sa création en 2010 de 440 milliards d'euros, est optimisé à 1000 milliards pour faire face aux difficultés des autres pays, dont l'Italie qui a vu récemment sa note également dégradée. Si les dirigeants européens se félicitent à Athènes, dans la rue, l'accord ne passe pas. Et trois jours après ce sommet, Georges Papandréou prend tout le monde de court. L'accord sera mis au vote par référendum. Laissons le dernier mot au peuple et laissons les citoyens décider, non pas en faveur des partis, mais pour l'avenir du pays. Georges Papandréou lance son va-tout pour reprendre la main dans son pays, mais en a-t-il le droit ? Depuis l'accord de 2010, en effet, la Grèce n'est plus un État comme les autres. Face aux créanciers, le pays a des devoirs et des droits qui diminuent proportionnellement à l'augmentation de la dette publique. Les décisions du pays dans tous les domaines sont désormais orientées, orchestrées, validées par les créanciers. Alors, les difficultés internes de la Grèce, ce n'est pas vraiment une priorité. Pourtant, depuis 2009, elle est au bord du krach social et politique. Pour Papandréou, le référendum est un outil pour reprendre la main. Mais ce droit, les créanciers de la Grèce refusent de lui octroyer. Dès l'annonce du référendum, le Premier ministre grec est sommé de s'expliquer. Un jour avant la tenue d'un G20, il est convoqué à Cannes par Nicolas Sarkozy et Angela Merkel. Devant les journalistes, les deux chefs d'État menacent. Nous le disons très clairement. La sixième tranche d'aide ne sera versée qu'à partir du moment où la Grèce aura complètement accepté l'accord du 27 octobre. La question qui se trouve posée, c'est celle de l'avenir européen de la Grèce. La Grèce veut-elle ou non rester dans la zone euro ? Le ton est ferme et laisse peu de place à la négociation. Et le 9 novembre, Georges Papandréou démissionne, le référendum n'aura pas lieu. Un gouvernement d'union nationale est formé, les gouvernements passent, les créanciers restent. Désormais en Grèce, la souveraineté est un concept évolutif. Depuis l'été 2011, les doléances des créanciers sont quotidiennes avec la mise en place d'une task force. Il s'agit d'un groupement d'hommes et de femmes, hauts fonctionnaires, experts, technocrates internationaux, présents sur place. Cette task force est en charge d'assister le gouvernement. Elle participe à l'élaboration des réformes, notamment en matière fiscale, administrative et financière. De simples conseillers, vraiment ? Un peu plus, en réalité, comme le prouve cet extrait d'une conversation entre l'un des membres de la Task Force, Georgette Lalisse, avec un fonctionnaire grec. Document extrait d'un reportage pour Envoyé spécial, en décembre 2011. Est-ce que vous pourriez y arriver sans eux ? Je ne poserai pas la question de cette manière-là. Vous savez, je pense qu'on y arriverait avec ou sans eux. Ils sont les bienvenus. Ils nous permettent de gagner du temps. Mais franchement, on y arriverait avec ou sans eux. Oui, mais attendez, sauf que la question du temps est cruciale en Grèce. Si la Grèce se débrouillait seule, elle multiplierait les consultants, perdrait du temps. Moi, je suis là pour m'assurer que la Grèce ne se mettra pas en situation de quitter la zone euro. Et comme mon boss dit, je n'ai pas de plan B. Effectivement, existe-t-il un plan B à la cure d'austérité imposée aux Grecs pour redevenir solvables sur les marchés ? Pour les créanciers FMI, BCE et chefs d'État européens, il n'y a qu'une route à suivre, la diminution coûte que coûte des déficits du pays. Pourtant, à la vue des chiffres. Les résultats de cette politique sont catastrophiques. En 2009, la Grèce avait 9,5% de chômeurs. Il représente désormais près de 26% de la population. Le PIB grec s'est effondré de 22% en 5 ans. La dette publique représentait 129% en 2009. Elle atteint en 2014 177% du produit intérieur brut. Les voix qui s'élèvent, venues de toute l'Europe contre cette politique du pire, semblent pourtant avoir bien du mal à se faire entendre. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la crise de la dette grecque, un sujet hautement sensible pour toute l'Europe. Nous allons en parler avec vous, Monsieur Limouannock. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes économiste, maître de conférences à Paris. Vous étiez également, entre juin 2009 et juillet 2014, député européen, c'est cela? Oui. En tant que député PS, mais le parti, vous l'avez quitté. Et vous êtes l'auteur de l'ouvrage « Les mystères de la Troïka ». Voilà. Alors, en sortant de ce récit, on a plusieurs impressions. L'hésitation politique, d'abord, des dirigeants européens face à cette situation. Et puis après, on est dans la fermeté. Et puis, avec une seule réponse, l'austérité. Mais enfin, la situation de la Grèce était déjà alarmante avant l'automne 2009. On le savait. Et puis, ces comptes, ces chiffres du déficit public qui étaient faux. Il y a aussi la question des conditions de l'entrée de la Grèce dans la zone euro. On a l'impression qu'on est surpris par quelque chose qui n'aurait pas dû nous surprendre. Il y a une certaine hypocrisie de la part de certains dirigeants européens. Et Eurostat, la direction générale chargée de collecter les statistiques en premier lieu, a fermé les yeux sur les chiffres grecs. Et pourquoi elle a fermé les yeux ? Ben, n'oublions pas que le point de départ, c'est que l'État grec est un État corrompu qui ne s'est jamais opposé à la fraude et l'évasion fiscale des classes dominantes grecques. Et la suite de l'histoire, c'est qu'on fait payer la crise au peuple grec qui n'y est pas pour grand-chose, au fond. Et il y a, à l'occasion de cette crise, une réunion, bien entendu, entre un certain nombre de puissants en Europe pour appliquer des thérapies au nom du fait qu'il n'y aurait pas d'autre politique possible. Mais derrière ça, il y a un choix qui est clairement le choix d'une gestion ordo-libérale de la crise grecque. Et dans cette affaire, on aura évidemment reconnu la patte de la chancelière allemande, car dans cette affaire, tout se passe au sein d'une instance informelle qui s'appelle l'Eurogroupe, qui n'est pas une instance entre guillemets statutaire prévue par les traités de fonctionnement de l'Union, mais qui est une instance informelle qui se réunit avant les conseils des ministres des Finances des États membres de l'Union et qui rassemble uniquement les pays de la zone euro. Et la Troïka est une créature de l'Eurogroupe. Et l'Eurogroupe n'est contrôlé par personne. Alors là, on est dans ce qu'on peut rappeler un déni de démocratie. Hein. C'est bien ça le cœur du problème. C'est le cœur, ouais. On va y revenir. C'est le cœur du problème parce que l'Eurogroupe crée une Troïka au sein de laquelle vous avez la Commission et la Banque Centrale qui interviennent bien au-delà de ce que les textes européens leur confient comme mission. Et cette Troïka et cet Eurogroupe prennent des décisions qui ne sont contrôlées par aucune instance issue du suffrage universel. Le Parlement européen n'a pas été consulté une seule fois. Vous êtes bien passé pour le savoir. Ah oui. Parce que c'est des députés européens. Enfin, d'autres vous diront, écoutez, ce sont des remèdes, un peu des remèdes de cheval, et tant pis pour le déni de démocratie. L'enjeu est tellement important que si la Grèce coule complètement, c'est la zone euro, c'est la construction européenne. Alors face à des enjeux comme ça, eh bien on fait une entorse à la règle. Je ne la justifie pas. Je me fais le porteur d'un contre-argument. Le problème, c'est que tout le monde sait d'où viennent les problèmes grecs. Comme j'ai rappelé, tout le monde avait fermé les yeux. Parce que, entre gens de bonne compagnie, on ferme les yeux sur les écarts de certains. Maintenant, si j'insiste sur l'Eurogroupe, c'est que nous avons une Europe qui n'était pas préparée à ce type de crise, qui est une construction économique et politique inachevée. La preuve. Parce que si elle était vraiment une construction politique, elle aurait trouvé les solutions au sein de son organe et de ses organes politiques, dont le Parlement d'ailleurs. Il y aurait une délibération démocratique qui fait que les décisions qui arrivent dans les États membres n'auraient pas été vécues comme des décisions imposées le pistolet sur la tempe. Même si le Parlement avait entériné des décisions, disons, libérales, il y aurait eu une délibération parce que le Parlement est à majorité plutôt libérale, si vous voulez. Mais il n'y a même pas eu ça. Sauf que des événements se sont précipités. On est dans le domaine de l'urgence. Je pense à la crise des subprimes en 2007 qui a débouché sur la crise de 2008. Donc dégradation de la situation économique de chaque pays parce qu'il a fallu renflouer les banques qui étaient à la fois responsables et victimes de cette crise, de cette crise financière. Renflouer des banques, ça veut dire prêter de l'argent de l'État. Donc les déficits se creusent. Et pour la Grèce, c'est encore plus difficile. Et quel rôle ça a joué la crise de 2008? La crise de 2008 a peu d'influence sur l'histoire de la crise grecque parce que les banques grecques ne sont pas exposées au subprime. La vérité, c'est que vous avez des banques françaises et allemandes essentiellement qui détenaient des titres grecs. Ça n'a rien à voir avec les subprimes. Ils détenaient des titres d'État grec. La BNP détenait 5 milliards, la Société Générale 3 milliards, le Crédit Agricole 850 millions. Oui, des obligations d'État côté allemand, la Deutsche Bank détenait 3 milliards et la Commerzbank 2 milliards. Donc, vous comprenez pourquoi et M. Sarkozy et Mme Merkel, au départ de cette crise, étaient opposés à la restructuration de la dette grecque. Et M. Papandréou lui-même était opposé à cette restructuration parce que les banques grecques détenaient les emprunts d'État. Donc, le vrai problème dans cette affaire, c'est que beaucoup, et dont le FMI, pensaient que la dette grecque devait être restructurée dès 2010, qu'au-dessus de 120% de dette en proportion du PIB, c'était insoutenable et la dette était déjà de 129% en 2010. Et le FMI a réclamé d'emblée une restructuration de la dette grecque. Il y a eu, au sein de la Troïka, une divergence. Les gens ne le savent pas, mais il y a une divergence entre le FMI, la Commission et la Banque centrale. Et qui a pris la décision C'est dans l'Eurogroupe, les États, dont les lobbies financiers avaient des intérêts à ne pas restructurer la dette grecque. C'est ça qui a fait que cette restructuration a eu lieu 2 ans plus tard, trop tard, mais a eu lieu une fois que les États aient eu racheté aux banques les dettes grecques pour socialiser leurs pertes. Si bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas les marchés qui détiennent la dette grecque. On dit que c'est les marchés qui imposent leurs lois. Ce sont les États. C'est le Fonds européen de stabilité financière, donc une institution intergouvernementale, qui détient 148 milliards de dettes grecques. Ce sont les États qui détiennent 56 milliards de dettes grecques. La France en détient 11 milliards, l'Allemagne 16. C'est le FMI qui en détient grosso modo une vingtaine de milliards. Et c'est la Banque Centrale Européenne qui en détient une trentaine de milliards. Les marchés en détiennent pas plus de 40 milliards. Et donc la décision d'aider la Grèce et d'exiger des contreparties, c'est une décision éminemment politique, puisque ce sont des institutions publiques qui détiennent la dette grecque aujourd'hui. Et la Troïka et la Task Force donnent l'impression qu'on a mis un pays sous tutelle. Complètement sous tutelle. C'est absolument le cas. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de légitimité. C'est le cas, puisqu'on est dans une Europe qui n'est pas démocratique, puisque l'instance parlementaire élue au suffrage universel qui est censée délibérer n'est pas consultée. Le Parlement européen. Voilà. Hein? Du coup, ça se passe entre les États, au sein d'une instance qui n'est pas statutaire elle-même, qui s'appelle l'Eurogroupe. Et dans cette affaire, si personne ne contredit la voix du plus puissant qui impose sa loi, c'est-à-dire l'Allemagne, bien évidemment, ce sont les recettes de Mme Merkel qui vont s'imposer. Et là-dessus, la France a une responsabilité parce que dans cette Europe qui n'est pas fédérale mais intergouvernementale, ça fonctionne autour du couple franco-allemand. Et quand dans un couple, il y en a un qui l'écrase, permettez-moi l'expression, c'est l'autre qui porte le slip. Et donc c'est exactement ce qui se passe. On attendait, et nous autres députés socialistes européens à l'époque, les premiers, que la France, que le chef de l'État en 2012, s'oppose à Mme Merkel. Et réoriente la construction européenne. Et sur cette histoire grecque, M. Varoufakis fait le même constat que nous, lorsqu'il dit, dans cette affaire, la France, à l'Eurogroupe, n'a fait qu'émettre des bruits. Et oui, la France n'a fait qu'émettre des bruits. Et la France a dit à M. Tsipras, aide-moi à t'aider. Ce qui veut dire, capitule, parce que moi je vais convaincre les Allemands que tu peux rester dans l'Europe, mais à leurs conditions. Et donc dans cette affaire, la France a joué un double jeu. Elle a fait semblant de soutenir la Grèce, mais en réalité, elle a aidé Merkel. Et ça sans doute parce que le chef de l'État et l'exécutif français, aujourd'hui, fait la promotion du modèle allemand dans la politique intérieure française elle-même. La France n'est pas dépaysée dans ce système-là, puisque la France est un pays où l'exécutif fait tout et le législatif n'a quasiment pas de marge de manœuvre. C'est pas faux. C'était dans la 5e République, voilà. Vous avez entièrement raison. C'était juste une remarque au passage. Bien, notre reporter Anaël Verzo, puisque vous parlez de Yanis Varoufakis, est allé à la fête annuelle de Frangy, il y a quelques jours en Saône-et-Loire, où Arnaud Montebourg, vous le savez, recevait l'ancien ministre des Finances grec, M. Yanis Varoufakis, qui a démissionné car il était en désaccord avec la stratégie adoptée par Alexis Tsipras, trop conciliant à ses yeux, avec les créanciers. On écoute le reportage d'Anaël Verzo. Je me trouve à Frangy-en-Bresse, en Saône-et-Loire, à la fête de la Rose organisée par Arnaud Montebourg. Et l'invité d'honneur de cette fête aujourd'hui, c'est Yanis Varoufakis, l'ancien ministre des Finances grec. Aujourd'hui, le 23 août, c'est 3 jours après la démission d'Alexis Tsipras, l'ancien donc premier ministre grec, qui a démissionné après avoir accepter le nouveau plan d'austérité de la Troïka, 9e plan d'austérité imposé aux Grecs, alors même qu'ils l'ont précédemment refusé par référendum au mois de juillet. Bonjour, c'est un débat sur l'Europe, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oui. Mais bon, ce que j'ai vu, il y a des gens qui parlent de choses qui, pour moi, sont subsidiaires, enfin, sur l'Europe. Ça va peut-être venir. Oui. Pour vous, il faut sortir de l'euro ? Effectivement, j'ai du mal à penser que l'euro soit soutenable à longue durée. Sinon, il faut faire des transferts financiers qui sont énormes et je suis pas sûr que ça soit soutenable. Voilà, c'est pas l'Europe que je veux. Moi, je veux le plein emploi. Hein. Plein emploi sur l'Europe pour tout le monde. Et ça a l'air utopique quand même. Hein. Voilà, mais il faudrait une prise de conscience qui soit européenne. Comment vous appelez votre prénom ? Jean-Michel. Jean-Michel. Je suis du PS, à Boulogne-Billancourt. Je suis venu ce matin. Depuis Boulogne ? Depuis Boulogne. Moi, je suis du Jura, de Salins. Et j'adore la Grèce, je l'ai découvert très tard. Et qu'est-ce qui est écrit en grec sur votre drapeau ? Bienvenue. Kalos Iseta. Kalos Iseta, ça veut dire bienvenue. Bienvenue, c'est pour Varoufakis. Et puis, moi, je ne connais pas grand-chose en grec. Aena, Potiri, Kokino, Krasi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Je veux un verre de vin rouge. Bonjour. Moi, nous, on est aussi bien jurassiens que bressans. Vous nous, aussi? On est des Jurades. Vous venez tous les ans ici à la fête de la Rose ou... Oui, tout le temps. Vous venez tous les ans? Ah oui, tous les ans. Depuis la première, moi. Avec mon ami Jox, Pierre Jox. Ah oui, c'est lui qui a lancé. On est du même âge. Et là, aujourd'hui, l'invité d'honneur, c'est Yanis Varoufakis. Oui, oui, c'est monsieur le grec, oui. Vous le connaissez, non? Non, on ne connaît pas. La Grèce, elle a son problème, nous, on a le nôtre. Ah, moi, j'étais agriculteur, moi. Des paysans. Je suis le dernier cutéreux des paysans bressans. Le dernier cutéreux des paysans bressans. Voilà. Ah ben, je suis du coin. C'est nos racines ici. Allez, je vous laisse boire un petit coup là. Merci. La fin du repas. Sous cette grande tente verte et blanche. La fête de la Rose. Ouh là là. Et là, les journalistes se précipitent. La nuit du matin n'arrête pas le citoyen. Alors, citoyens, citoyennes, bienvenue à Frangy-en-Bresse. Ils sont venus, ils sont tous là. Alors, bienvenue tout particulièrement à notre invité d'honneur, M. Yanis Varoufakis. Toujours à la fête de la Rose. Et nous entrons maintenant dans une salle pour entendre Yanis Varoufakis. Le 12 juillet, notre gouvernement a été forcé de capituler. C'était certes un renoncement pour notre gouvernement, mais surtout une défaite majeure pour la démocratie européenne. Là où les gens vivent avec de l'espoir, nous nous devons d'arriver à opérer ce changement entre une Union européenne qui ne représente que les gouvernements et les lobbies vers une Europe qui représente vraiment les peuples. Ce qui est intolérable, c'est que l'Union monétaire passe avant l'Union politique. C'est une erreur majeure qui a un coût humain considérable. Je ne vais pas rentrer dans les aspects techniques de la politique financière européenne. Mais laissez-moi vous le dire très simplement. Tant que la dette ne sera pas assumée collectivement, tant qu'il n'existera pas une politique d'investissement commune, une approche commune pour enrayer la pauvreté, où qu'elle soit, en France, en Allemagne ou en Grèce. Et à moins que l'on crée une véritable union bancaire, nous resterons avec une union telle qu'on la connaît, qui n'est autre qu'une union de façade. On a créé l'eurozone, où la banque centrale n'est adossée à aucun État et où les États n'ont pas de banque centrale pour se financer. C'est comme si tout cela avait été conçu pour échouer. Nous nous devons de changer les choses. Voilà, Limonok, quelle est votre réaction après ces paroles de l'ancien ministre des Finances grec ? Yanis Varoufakis va dans la direction de ce que nous disions tout à l'heure, c'est que l'Europe est une construction absolument inachevée et que si l'on veut pouvoir faire face à des difficultés telles que celles que subissent les Grecs mais aussi d'autres pays du sud de l'Europe, on ne peut pas uniquement se contenter de leur dire faites ce que les économistes appellent une dévaluation interne, c'est-à-dire baissez vos salaires et faites de l'austérité. On se rend compte que ça ne marche pas. Et que tout ça aboutit à ce qu'on appelle aujourd'hui la déflation, c'est-à-dire au fait que la demande tend à être inférieure à l'offre et que les prix sur certains marchés baissent et que le chômage se généralise. Et donc, si l'on veut disposer des mécanismes de solidarité nécessaires, bah, il faut aller plus loin, dit Yanis Varoufakis, vers l'intégration de l'Europe, mais la vraie intégration avec un vrai budget européen contrôlé par une instance démocratique, le Parlement, qui pourrait voter à la fois les recettes et les dépenses. Et puis, aller vers une véritable Europe politique où ce ne sont pas les États qui s'arrangent entre eux pour imposer au peuple des choses qui ne veulent pas. Et d'ailleurs, ce que disait Varoufakis lors de son dernier séjour en France, c'était pas du tout « il faut sortir de l'euro ». C'était « si on veut que l'euro fonctionne, il faut de la démocratie en Europe ». Et c'est tout le chantier qui est devant nous et qui va exiger un débat sur le traité de Lisbonne aujourd'hui, qui est incapable d'organiser la démocratie. Donc soit on change de traité, soit on va aller vers des situations comme celles que vit la Grèce. Et dans ce cas-là, ça va, comme dirait l'autre, ça va péter forcément. Alors imaginons que, dans la politique fiction et idéale, que le Parlement européen ait les vrais pouvoirs législatifs d'un Parlement. Quel remède vous proposeriez pour la Grèce, si ce n'est un remède de rigueur? Parce que là, on parle effectivement de démocratie, de méthode, c'est important. Mais il y a aussi le concret. Qu'est-ce qu'il faut proposer à la Grèce sans l'étrangler sous la rigueur? Parce qu'à un moment, ça devient mathématique. Il y a un moment, il faut trouver des chemins pour faire des réductions de dépenses. Il y a un phénomène mathématique, il y a un problème politique, puis il y a un problème philosophique aussi. C'est-à-dire que pousser un peuple au désespoir, c'est pas forcément recommandable non plus. Il y a au moins deux débats dans cette affaire. Il y a, premièrement, si l'on veut que les Grecs sortent la tête de l'eau, il faut restructurer la dette grecque. Qu'est-ce que ça veut dire, restructurer? Madame Lagarde du FMI, lorsqu'elle sort de son jeu de rôle et qu'elle traite les Grecs d'enfants et de personnes non adultes, quand elle sort de ce jeu de rôle et qu'elle admet enfin, quelques semaines plus tard, que la dette grecque est insoutenable, elle dit tout simplement qu'il faut qu'une partie de cette dette soit annulée. C'est-à-dire que la partie au-dessus de 120% du PIB, la dette grecque aujourd'hui c'est grosso modo 177% du PIB. C'est-à-dire que vous en annulez une centaine de milliards pour aller vite. Donc on passe l'éponge sur 100 milliards de dette grecque. Sur le principe qu'on est tous responsables. Hein, que la Grèce, parce que là aussi quand Angela Merkel dit la Grèce est responsable de sa dette, on a expliqué tout à l'heure qu'il y a une co-responsabilité de tout le monde dans cette affaire-là. Bien sûr, c'est une affaire de solidarité, sauf que pour le moment, ça n'a pas coûté grand-chose aux États. Hein. Contrairement à ce qu'on raconte, ça n'a pas coûté grand-chose aux États, parce que les mécanismes de solidarité, c'est essentiellement des garanties d'État. Hein, ça coûtera aux États si la Grèce fait défaut, mais pour le moment, ça n'a pas coûté grand-chose. Donc c'est ça le plan B. On restructure la dette grecque, donc ça évite de faire en sorte que l'aide que reçoivent les Grecs, 80% ça revient aux créanciers, et ça ne va pas du tout dans l'économie grecque, donc ça ne sert à rien. D'accord. Et deuxièmement, il faut ouvrir le débat sur quelle politique les Grecs ont le droit d'appliquer. Et le suffrage universel en Grèce avait demandé à M. Tsipras d'appliquer une autre politique. Et la politique que s'apprêtait à appliquer M. Tsipras, aux yeux de beaucoup d'économistes, était absolument crédible, et beaucoup plus que celle qui est appliquée dans le cadre des mémorandums. Comme vous l'avez indiqué, le résultat des courses, quand vous regardez la politique appliquée à la lettre, celle proposée par la Troïka, c'est que, contrairement à ce qu'on croit, la dette ne s'est pas réduite. Elle a explosé. Elle était de 129% en 2010. Elle est presque à 180% aujourd'hui. Et vous avez le PIB grec qui a fondu de 25%. On l'a dit, donc les remèdes aggravent quasiment la maladie. Bon. Donc il faut permettre à la Grèce et aux autres États membres de l'Union d'appliquer d'autres politiques. Mais ça suppose qu'on contredise la voie de l'Allemagne aujourd'hui. D'autres politiques, c'est quoi, une relance? Absolument. En période de déflation, ce qui s'impose, c'est une politique de relance. Or aujourd'hui, une politique de relance de la demande, de la consommation et de l'investissement. Oui, et le gros problème aujourd'hui, vous l'aurez compris, c'est que la mode, c'est les politiques de l'offre. Et les politiques de l'offre, c'est quoi? C'est l'austérité salariale et les coupes dans les dépenses publiques et sociales. Et malheureusement. Et le pacte de responsabilité en France. Et malheureusement, la France aujourd'hui est convertie à l'ordolibéralisme allemand. C'est bien ça le sujet du débat. Bien, c'était le sujet du débat, ça sera le mot de la fin du débat. Et je vous remercie, Louis Mandenock, pour tous vos éclairages d'économiste. Merci à vous. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le plan de sauvetage de la Grèce, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons la catastrophe d'AZF à Toulouse. C'était le 21 septembre 2001.